On a vu ensemble les dernières semaines qu'Israël n'avait pas fait le bon choix dans ses priorités. Et Dieu dit, vous avez travaillé très fort. Puis il a pris l'expression, et j'ai soufflé dessus. En voulant dire, j'ai balayé comme le vent tout ce que vous faisiez, et vous avez travaillé fort et ça n'a pas produit. Vous avez semé et ça n'a pas vraiment poussé. Vous avez bâti, ça n'a pas marché. Vous avez fait toutes sortes de choses, ça n'a pas fonctionné comme vous désiriez. Et là, je me suis dit, même cette semaine, en préparant celui-là, je me suis dit, il devait se poser les mêmes questions que nous, on se pose quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Ils ont dû se poser, parce que l'être humain est toujours pareil. L'être humain, il ne change pas. On avait des chameaux, puis on a des Renault, mais c'est l'homme ne change pas. Donc, et souvent, quand les choses ne vont pas comme on veut, on essaie de trouver les raisons. Pourquoi? Et on essaie de trouver des solutions. Hein? Des solutions, on dit, ah, ben, j'essaie de faire ça, ça n'a pas marché, je vais essayer autre chose, j'essaie de faire ça pour être heureux, ça n'a pas marché, je vais essayer de faire autre chose pour être heureux. On essaie toutes sortes de choses. Et souvent, on essaie, puis ça devient des fois pire. Des fois, ça ne vaut pas mieux. Et des fois, ça va mieux, dans le sens humain, ça ne va pas aller mieux. Mais c'est très rare qu'on va dire, l'être humain, c'est pas très rare, l'être humain ne va jamais se dire, mais c'est peut-être parce que je ne fais pas ce que Dieu a demandé. Peut-être que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Peut-être que c'est pas une priorité. Peut-être que je n'ai pas la bonne priorité dans la vie. Peut-être que je cherche quelque chose que ce n'est pas ça que Dieu veut que je fasse. On s'arrête, l'être humain ne s'arrête pas pour s'intéresser à Dieu. Il va s'intéresser à Dieu pour l'aider à faire ce qu'il veut faire. Il va prier, faire brûler ses lampions. Il va faire toutes ses simagrées pour... Hier, j'écoutais la télévision, puis il a vu une annonce de hockey, puis le gars, il a fait un but, puis là, il a fait des signes de croix, il a embrassé ses gants, puis il s'est dit, « Ouais, quand tu fais pas de point, tes garages dans le fond de la cabane, et les gants, quand tu fais un point, parce qu'ils font ce que tu veux. » Ça, c'est la belle image de l'être humain. Quand ça va bien, tu fais ton signe de croix, quand ça va mal, tu maudis Dieu. Tu sais, c'est l'être humain est comme ça. Et parce qu'il croit que Dieu est à son service. Hein. Et les gens de ce temps-là devaient se poser la même question. Comment ça que ça ne marche pas? Donc, ça a déjà marché, ça. Comment ça qu'on avait la victoire sur nos ennemis avant, pasteur? On n'a plus la victoire sur nos ennemis. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu leur a dit, c'est parce que vous n'avez pas la bonne priorité dans la vie. Dans ce temps-là, souvenez, on est dans l'Ancien Testament. La promesse, c'est si vous me servez, si vous faites ce que je vous dis en tant que moi, votre Dieu, C'était quoi la promesse? Ça va réussir, ça va bien aller. Ça va réussir financièrement, ça va bien aller. Vous allez être en santé, vous allez vaincre vos ennemis. C'était vraiment ça. Puis c'est ça qui arrivait. Et quand vous vous souvenez, Salomon était un bel exemple. Salomon dit, Seigneur, je veux bien diriger ton peuple, je veux te servir, je veux bâtir une maison pour toi. Dieu dit, tu vas être riche comme Crésus, puis tu vas vaincre tous tes ennemis, puis ça va bien aller. Puis il y a eu un règne épouvantable jusqu'à temps qu'il s'éloigne de Dieu. Et là, il a planté. C'était comme ça. C'était dans l'Ancien Testament. Il faut faire attention. Il ne faut pas transporter ça de notre côté, nous autres. De notre côté, nous autres, c'est autre chose. C'est en chiffres, un million de fois plus. Mieux dans le côté ici. Mais pas de la même manière. OK? Là, il lui promettait les trésors terrestres. Pour nous autres, c'est des trésors spirituels et célestes. Hein? Qu'est-ce qui... Mais là, il n'y avait pas les trésors spirituels et célestes en plus? Pas la même manière que nous, on a, pas la nouvelle naissance, pas cet esprit qui habitait en eux. C'était pas une promesse d'éternité. Non? Non, non, ben non. Ben non. Le peuple de Dieu... Il ne disait pas qu'il était sauvé. Non. Ça allait bien, mais il pouvait aller en enfer. Ça pouvait durer un temps. Oui, ça pouvait être 30 ans, ça allait bien une génération, ça mourait, ou il y avait peut-être la moitié du peuple qui avait des bénédictions, la moitié n'avait pas. Donc, c'était pas toujours un équivalent d'éternité. Là. Surtout que dans le Nouveau Testament, ou dans l'Ancien Testament, c'est toujours marqué, vous remarquerez quand vous lisez un reste, un faible reste. Et quand il parle à Gédéon, il dit, je me suis, pas Gédéon, c'est Élie, je me suis réservé un petit reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. 7000 hommes, c'est un chiffre fictif selon moi, c'était un reste. Ce que vous l'avez dit, 7 000 sur 7 millions, mettons, c'était tellement peu. Mais il n'avait pas fléchi les genoux devant l'idolâtre. Et Dieu dit, je me suis réservé ceux-là. Mais quand les croyants qui gardaient fidélité en Dieu étaient dans le peuple de Dieu et que le peuple ne suivait pas Dieu, ça allait mal pour eux aussi. Parce que la bénédiction était peuple et non pas individuel. C'était une promesse pour le peuple et non pas un individu. L'individu pouvait bien fonctionner, mais la pluie ne tombait pas plus chez eux que chez le voisin. Tu sais, quelqu'un a vu la sécheresse pendant 3 ans, là, il n'a pas mouillé pour Élie. Élie, il fallait qu'il se réfugie ailleurs pour manger, parce qu'il ne mouillait pas où ce que lui était, là. OK? C'était vraiment des promesses pour le peuple, pas pour les individus. Okay. Nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est devenu individuel, et c'est devenu éternel, c'est devenu spirituel, et c'est devenu inconditionnel. En tout cas, on en met, et la Nouvelle Alliance est 1 million de fois plus belle que l'Ancienne Alliance. On n'a rien à l'Europe. Nous, on dit, me semble, j'aimerais savoir l'argent qu'il y avait, ça l'a monté. Oui, tu peux pas l'avoir, mais tu n'as pas les promesses qu'il y a ici. Hein? Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux côtés de la médaille en même temps. Pour nous autres, c'est ça. On va avoir un jour la santé parfaite dans le nouveau ciel, nouvelle terre. On va avoir un jour un paradis terrestre. On va avoir toutes ces choses-là un jour, mais pas maintenant. On va l'avoir. La résurrection des morts, on va l'avoir. C'est comme ça que ça va se passer. Mais pour le moment, c'est autre chose. OK? Et puis, il faut se réjouir que c'est autre chose. C'est plus grand comme ça. Donc, il dit, Dieu leur dit, vous n'avez pas la bonne priorité, c'est pour ça que ça ne marche pas votre affaire. Et là, il leur dit, c'est quoi la bonne priorité? La bonne priorité, on a vu que c'était bâtir sa maison. Et il dit, vous avez décidé de bâtir vos maisons, puis pas bâtir la mienne. Donc, il dit, j'ai soufflé sur tout ce que vous faites. Vous avez changé vos priorités. Je vous avais béni pour me bâtir une maison et vous êtes bâti des maisons, donc ça ne marche pas. Et Dieu, vous savez comme moi, que Dieu s'en foutait des roches, de la maison en roche. Il dit, j'habite pas la maison. J'habite pas dans les maisons faites par les hommes. Dieu est bien trop grand pour ça. Mais c'était une manifestation de leur cœur. Donc, si leur cœur bâtissait la maison de Dieu en premier, c'est parce que Dieu savait qu'il passait en premier. Dans le Nouveau Testament, un exemple de ça, c'est la veuve avec sa scène. Quand elle a mis sa scène dans le tronc, elle est en train de dire à Dieu, « T'es plus important que moi. Moi, je vais me priver, puis toi, tu vas m'en avoir. » Donc, tu vas juste montrer que l'autre est plus important que toi, automatiquement. Dieu se réjouit de ça. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et là, on va voir ce soir que, quand la semaine passée, on a vu plutôt, je recule d'un pas, que le peuple a finalement décidé de changer. Il s'est levé, avec l'aide de Dieu, Dieu nous a parlé, ils ont réveillé dans leur cœur, puis finalement, ils ont décidé de bâtir la maison. Ils ont dit, OK, on arrête ça, on bâtit la maison. Et là, ce qu'on va voir ce soir, que quand Dieu confie une tâche et que l'être humain décide de faire la tâche, Dieu vient toujours appuyer ça. Dieu vient fortifier les gens pour qu'ils fassent la tâche. Parce que même quand l'être humain décide de faire ce que Dieu veut, il n'est même pas capable de le faire sans l'aide de Dieu. Je veux faire ça, Seigneur, pour toi. Oui, belle idée, François. Mais si je ne vais pas t'aider, tu ne le feras pas. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des multitudes de fois le mot « fortifié » dans plusieurs livres de la Bible. On va le voir ici ce soir ensuite. Dieu fortifie. Quand il dit à Joseph qu'il était pour l'utiliser pendant qu'il était en Égypte, il dit... Et ses mains ont été fortifiées quand il a été établi comme... il a été mis en prison, puis Dieu lui a confié la direction de toute l'Égypte. Tu me dis, imagine-vous, tu étais un gars de berger israélite, tu as passé du temps en prison, et de la prison, tu switches, tu es le premier ministre de la plus grande empire du monde à ce moment-là. Tout un switch, là. Mais Dieu dit, et ses mains ont été fortifiées. Et Joseph a fait ce qu'il devait faire. Vous avez la même chose avec Esdras. Il dit qu'il m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers et de toutes ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. Je rassemblais les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Donc Dieu dit à Esdras, tu vas amener mon peuple. Et Dieu dit, je vais te fortifier. Exemple de Néhémie, la même chose. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage. et l'œuvre ne se fera pas. Néhémie avait la job de faire quoi, lui? Construire les murailles. Là, nous autres, on tentait d'étudier le temps, mais Néhémie, c'était les murailles. Puis il dit, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Il savait ce qu'il avait à faire. Mais là, il était conscient qu'il était incapable de faire ce qu'il devait faire. Ça, c'est l'humilité. Ce n'est pas avoir des bas troués qui est d'humilité. Ce n'est pas avoir un petit char qui est d'humilité. Ce n'est pas avoir une petite maison qui est d'humilité. C'est de reconnaître qu'on est capable de rien faire sans Dieu. Ça, c'est de l'humilité. Nous, des fois, on pense que c'est un homme humble, c'est une femme humble parce qu'elle est simple dans son habillement. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir du beau linge, d'être humble. Tu peux avoir du linge laid, puis d'être pas humble, dans ce sens-là. Et l'apôtre Paul va dire à plusieurs reprises dans les épîtres du Nouveau Testament, il va dire, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Paul savait qu'il devait faire l'œuvre du ministère, l'œuvre d'un missionnaire, l'œuvre d'un fondateur. Et il dit, je ne suis pas capable de le faire. Et il comptait sur Dieu. Et pour nous autres, c'est la même chose pour, dans nos vies. Il faut être conscient de ça. Peu importe ce que vous voulez faire. Rôle d'épouse, rôle de mère, rôle de conjoint. On n'est pas capable de le faire. C'est pas capable. Élever nos enfants, on n'est pas capable. Seigneur, je veux élever mes enfants pour toi. Je ne suis pas capable. Il faut être conscient qu'on n'est pas capable. Et quand on sait qu'on n'est pas capable, et là, Dieu il va intervenir et il va nous fortifier. Mais des fois, on croit qu'on est capable. On croit qu'on est capable. Et on aurait mis un exemple à donner, comme de quoi on se croit capable. Mais on est des fois chrétien. La chair nous pousse à dire qu'on est capable, qu'on est capable, qu'on est capable. Quand le peuple s'est levé et qu'il a décidé de bâtir le temple à la place de leur maison, les difficultés sont arrivées. On pourrait aller lire Esdras et Néhémie. Esdras parle, pas de Néhémie, mais Esdras parle de Agé. Il parle du prophète Agé. Parce qu'il était des co-citoyens, il était dans le même temps, la même période. Et Esdras parle des difficultés qui surviennent au temps du prophète Agé. Et quand ils ont décidé de bâtir, vous vous souvenez qu'ils étaient en captivité, ils sont revenus chez eux. Mais il y avait déjà des gens là. Et ces gens-là qui sont arrivés là, il y avait de la misère là, à accepter le fait que ces immigrants-là, parce qu'ils étaient partis depuis 70 ans, arrivaient et qu'ils avaient comme autorité, les autres-là. Là. Ils décidaient qu'ils bâtissaient le temple. Puis il y avait de l'argent, les autres-là, là, parce que Dieu les avait donné de l'argent pour le faire. Et là, ces gens-là n'étaient pas d'accord. Ils ont fait des bisbouilles, ils ont fait des grabouilles. Puis là, ils ont écrit une lettre au roi babylonien pour les chanter des bêtises. Pour chanter des bêtises contre ces juifs-là qui étaient arrivés, puis leur dire, voici ce qu'ils sont en train de faire, puis ils n'ont pas le droit, puis ils ont dit un paquet d'affaires, puis là, ils ont plaidé leur cause auprès du roi pour que le roi les arrête de faire le travail qu'ils faisaient là. Donc, c'est parce que le roi qui avait donné le droit de revenir et de bâtir le temple, c'était plus le même roi qui était là maintenant. C'était un autre roi. Fait qu'ils ont l'impression que peut-être que ce roi-là va dire non à ça. Donc, peu importe c'est quoi qui va intervenir, quand on veut faire la volonté de Dieu dans un monde qui ne marche pas avec Dieu, il faut s'attendre qu'il y ait de l'objection, de l'opposition. On serait bien bleuet de penser qu'il n'y aurait pas d'opposition. On serait bien naïf de penser qu'on va travailler pour le royaume de la lumière dans les ténèbres, puis les ténèbres vont juste nous laisser faire, puis vont nous aider. Voyons là. La Bible nous dit clair et net qu'il va y avoir de l'opposition. Puis il va y avoir des persécutions, puis il va y avoir des objections, puis il va y avoir toutes sortes de façons pour nous barrer les roues. Donc, Dieu dit, je sais que ça va être de même, et voici ce que je vais faire, moi, pour vous aider, pour vous fortifier. Donc, à ce soir, on va voir que Dieu fortifie toujours pour nous aider à faire le travail qu'il nous a confié. Il ne nous laisse jamais seuls. Il ne dit pas, vas-y, je te confie le rôle de faire ça, arrange-toi. Allonge-toi. Et Dieu ne fait pas ça. On va voir ce que Dieu ne fait pas ça. Donc, on est dans Agé, au chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé. le prophète en ces mots. Parole à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. On va rester là pour le moment. Comment Dieu fait-il pour fortifier son peuple à ce moment-là? Bien, vous allez voir que ça va ressembler un petit peu à la semaine passée. Comment est-ce qu'il fait pour nous ramener à la bonne priorité? Il va souvent utiliser la même méthode. Premier verset 1 et 2 par le prophète Agée. Ce qui est équivalent pour nous de la parole de Dieu. Il nous a ramenés à lui par la parole de Dieu et il va nous fortifier par la parole de Dieu. C'est, la parole de Dieu donne vie, mais aussi elle soutient la vie qu'elle a donnée. Elle donne le défi, elle donne le plan d'action. Elle va donner l'aide pour accomplir, les méthodes pour accomplir le plan d'action. Jésus-Christ a dit, bâtissez mon église avec moi, travaillez avec moi, bâtir l'église, et nous donne dans les Écritures comment faire ça, et comment y arriver, et les principes qu'on doit utiliser. Il ne nous laisse pas en plein, il dit, ben, faites là, arrangez-vous, faites du mieux que vous pouvez. Ne faites jamais ça. Donc, c'est toujours la même approche. La parole de Dieu, ici, était sous l'angle d'un prophète. Dieu parle. Qu'est-ce qu'il y a de plus encourageant qu'une personne qui vient nous encourager quand on est découragé? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus encourageant que quelqu'un qui vient t'aider dans les moments de difficulté? Puis cette personne-là, pour nous autres qui est chrétien, mais c'est une personne chrétienne qui va nous donner des conseils chrétiens. L'apôtre Paul dit ceci dans Actes 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, tout de suite, Paul, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, parce que aussi il y avait des problèmes de persévérance, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais il fortifie l'esprit des disciples comment? En leur parlant, en leur disant des choses, en les instruisant, en leur donnant des vérités. Il dit, il était découragé, il dit, je vous l'avais dit pourtant que c'était par des tribulations que vous allez passer avant. Je vous avais pas promis un jardin de roses. Je vous avais dit que ça serait difficile. Donc, il les ramène à les vérités qu'ils avaient entendues. Il leur dit des choses que, pour les fortifier. Dans le chapitre 15, verset 41 des Actes des Apôtres, c'est marqué, il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Et c'est par la prédication. Il prêche, il annonce l'Évangile, il annonce les paroles de Dieu, et les disciples sont fortifiés. Tu n'es jamais fortifié par des encouragements, là, humain. Des tapes dans le dos, ça le fait le fun, hein? Mais ça ne l'encourage pas à long terme dans le persévérance spirituelle, dans le persévérance. Il faut que l'encouragement, pour qu'elle me fortifie spirituellement, il faut que l'encouragement soit spirituel. Parce que les désinconvertis qui s'encouragent, mais ils s'encouragent avec toutes sortes de choses qui ne sont pas spirituelles. Même des fois, ils s'encouragent avec des mensonges. Vous remarquerez ça? Alors, sur mon funéraire, quand quelqu'un est mort, oui. Il se compte un paquet de mensonges pour s'encourager. Oui. Puis là, ils sont contents. Là, ils me pleurent moins. Oui. Mais ce n'est pas de la vraie encouragement spirituel. Et le jour qu'ils vont réaliser qu'ils se sont trompés ou se sont fait mentir, bien, ils vont être encore plus découragés. Parce que le seul encouragement spirituel qui est valable, c'est des vérités spirituelles. Sans ça, ça ne marche pas. Ici, vu qu'on parle d'un combat spirituel, il faut que les vérités soient spirituelles. Dans Actes 16, verset 5, c'est marqué « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Donc, ils se fortifiaient, dans le contexte, c'est encore des apôtres qui sont venus et qui les ont prêchés, enseignés, ils ont donné des instructions, parce que les autres n'avaient pas la Bible à ce moment-là. Donc, la seule chose qu'il y avait, c'était des apôtres ou des chrétiens qui connaissaient les Écritures, qui venaient leur dire « Et voici ce que Dieu a dit, voici ce que Jésus a dit, voici ce que Jésus a enseigné. » Et ça les fortifiait dans leur âme et ils pouvaient continuer à fonctionner. Et dans Actes 18, 23, c'est marqué « Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route. Il parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. » Donc, Paul voyait toujours chez les croyants, surtout chez les jeunes églises, le besoin d'être fortifié. Il voit toujours sur ce besoin-là. Et nous, on devrait toujours voir le besoin qu'on a d'être fortifié aussi. Donc, ça va de pair. Si je sens le besoin d'être fortifié, bien, je vais chercher quelque chose pour me fortifier aussi. Donc, et si quelqu'un vient pour me fortifier, ça va m'encourager à écouter parce que je veux être fortifié. Donc, dans ce temps-là, c'était des hommes que Dieu utilisait parce que les Écritures n'existaient presque pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait certaines parties de l'Ancien Testament qui étaient écrites, mais souvenez-vous, le peuple n'avait pas la Bible dans les mains. Il y avait quelques copies, c'était là. Souvent, dans le temple, il y avait quelques copies. Et des fois, le temple, on se souvient dans quelques livres de l'Ancien Testament, ils retrouvent les copies de la Bible, plein de poussière. Personne ne s'en servait depuis des centaines d'années. Ils ne s'en servaient plus. Ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils étaient rendus dans l'idolâtrie. Là, ça ne marchait pas, ça allait mal. Ils essayaient de s'en sortir par eux autres mains. Le coup, hop, quelqu'un trouvait ça dans la poussière. Il disait ça. Oh, c'est ça qu'il faut faire. Là, il commençait à le faire, puis ça repartait. Ça ne devait pas être tout le monde non plus qui savait lire. Ben non, c'est la minorité qui savait lire. Les grands prêtres, les gens très instruits, les gens riches, qui envoyaient les enfants à l'école. Tu sais, il n'y avait pas d'école comme aujourd'hui, là, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la première. Pour nous autres, Dieu va se servir. Aujourd'hui, on peut se servir des Écritures ou, encore une chose, des hommes ou des femmes qui connaissent les Écritures. C'est la même méthode. Moi, je crois que plus de chances que vous soyez encouragé par quelqu'un, que par le livre de la Bible. Il y a plus de chances que vous soyez encouragé par quelqu'un que par le livre de la Bible. Mais quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va vous parler de la Bible. Mais souvent, les chrétiens qui sont découragés, ils n'ont pas cette... comment je dirais ça? Le courage, des fois, comment je dirais ça? L'énergie ou l'initiative d'aller vers. Mm. C'est comme tu es en train de te noyer. T'as pas envie d'aller suivre un cours. Ça prend plutôt quelqu'un qui va venir aux côtés de toi pour essayer de t'aider à sortir de l'eau. Et quoi? Bonjour, vous. S'il n'a pas encore parlé, ça va finir un peu. Ça va aller. Non. Donc, ils vont se poser la question. C'est une mouche que ma femme a essayé de tuer. ils vont l'avoir sur le CD. Parce qu'ils vont entendre des bruits et ils ne sauront pas c'est quoi. Je vais l'effacer, ce petit bout-là. ils doivent dire une gang de malades. Parce que ça se promène, ces petits CD-là, des fois. Les enseignants. Bon, c'est là que je suis rendu. Donc, on est fortifié par des personnes. Mais des personnes qui vont nous parler de ce que Dieu leur dit, comme le prophète, ou quelqu'un qui va nous parler pour nous à travers les Écritures. Donc, il y a des gens dans l'Église qui ont le don d'exhortation, ça veut dire un don d'encouragement. Donc, ils sont équipés par Dieu même pour faire ça. Ils sont spécialistes dans l'encouragement. Donc, ils vont aider les gens qui ont une tendance. On est tous dans notre vie. Apparemment, de découragement. Parce qu'on est tous là. On en passe, on en ressort, on en passe. C'est même toute la vie chrétienne. On en back, on débarque, on en back, on débarque. Et des fois, c'est nous autres qui encouragent, des fois, ça va être d'autres qui vont nous encourager. Donc, c'est dans ce sens-là. Dieu nous fortifie par des personnes qui nous parlent de la Bible, qui nous parlent de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Deuxièmement, versets 4 et 5, il leur dit, ce qu'il a dit la semaine passée, « Je vais être avec vous. » Il leur dit, il répète, « Je vais être avec vous. » Il dit au verset, « Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous et ne craignez pas. » Il dit, fortifiez-vous. Vu que vous avez pris la bonne résolution, la bonne décision, d'avoir la bonne priorité, je garde mon alliance. J'avais pris un engagement envers vous. Je garde mon alliance. Je m'engage, je reste avec vous autres et je vais vous fortifier, mon esprit va être avec vous. Quand Dieu fortifie quelqu'un, c'est toujours par son Esprit Saint. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours par l'Esprit Saint. Quand Dieu parle, c'est toujours, toujours, toujours par le Fils, même dans l'Ancien Testament. C'est pas dit comme ça, mais c'est toujours. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu, donc. Quand Dieu parle, c'est la parole. L'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu a fait le. C'est ça que dit la Bible, même dit que l'Esprit Saint a créé le monde. Parce que Dieu a créé le monde par sa puissance. La puissance, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est pas un brrr, pas l'électricité, là. C'est une personne. Mais c'est lui-même, on le sait, c'est toi à eux. Mais c'est la puissance de Dieu. Donc, il dit, mon esprit est avec vous. Il dit, ma puissance est avec vous. Je vais vous fortifier. Parce que quand vous lisez dans cet testament, quand on bâtit le temple, l'esprit est venu sur un qui a fait de l'art, dans le sens qu'il a fait des beaux dessins, il a sur l'autre pour faire une architecture. L'Esprit est venu pour toutes sortes de métiers pour faire le temple. Donc, l'Esprit Saint est venu sur chaque homme et femme, différemment des capacités qu'il avait, les dons, pour les fortifier, pour bâtir la maison de Dieu. Donc, c'est la puissance. Il dit, je suis avec vous et ma puissance est avec vous. Et je vais rester et il dit, je ne reste pas parce que vous êtes des bonnes personnes. Je reste parce que vous avez choisi la bonne priorité. Et moi, je vais garder mon alliance. Je sais que vous êtes faible, mais je vais vous fortifier. Je sais que vous n'êtes pas capable de faire. Souvenez-vous quand, une fois, il y avait Josué qui a traversé le fleuve après l'Égypte, qui a traversé la quarantaine dans le désert. Ils ont traversé le fleuve pour rentrer dans la terre promise. Il a dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Il dit, vous autres? Ah, nous autres aussi, on va servir l'Éternel. Josué dit, c'est bon. Mais je sais que vous n'êtes pas capable. Oui, oui, on va être capable. Vous savez, il ne disait pas, on est faible, on a besoin de Dieu. Oui, on va être capable, on va être capable. Ils ont tout planté. Ils n'ont pas réussi. Ils ont dit, on va servir l'Éternel par nos propres forces. On est capable de servir l'Éternel. Dieu dit, ouais, ben allez-y. Mais il dit, vous n'êtes pas capable. Mais il dit, je vais vous fortifier. Si vous voulez, je vais vous fortifier. Donc, et l'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu. Et si vous voulez faire une petite étude par vous-même, à un moment donné, si vous prenez une concordance, vous cherchez le mot fortifier ou fortifie-toi, il y en a des centaines et des centaines et des centaines dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dieu sait très bien que nous sommes que poussière. Et moi, la question, je me dis souvent, c'est et qu'on est orgueilleux, parce que on est tellement faible. Ça veut dire que si on est si faible, c'est parce qu'on a de la misère à se confier dans la puissance de Dieu. Parce que si on se confie dans la puissance de Dieu, on serait plus fort. Mais on a tellement de misère, on a tellement essayé par nous-mêmes de faire les choses spirituelles, les choses de Dieu. On veut faire les choses de Dieu, notre force. Et c'est pour ça que souvent on va s'en vanter, on va s'en glorifier, au lieu de glorifier le Seigneur. On fait ça pour Dieu, qu'on dit, mais dans le fond, on fait pour nous, puis là, ça plante. On plante, ça ne marche pas. Mais Dieu dit, si tu reconnais ta faiblesse, tu sais que tu as besoin, moi je suis là, je vais te fortifier. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, si on reconnaît qu'on n'est pas fort, demander d'être fortifié pour n'importe quoi, puis qu'il va le faire? Ou bien ça dépend de son plan, peut-être que ça se pourrait tout, puis qu'il ne fortifie pas, même si on lui demande, puis qu'on se reconnaît pas, parce que ça ne serait pas dans son plan. Oui, oui. Mais la question est, dis-moi un exemple de ce que tu veux dire, là, pour être certain que je pense à mon cours. À mon cours? Oui. Non, c'est à ça que je pense. Là. Vas-y, vas-y. Je me dis, peut-être, est-ce que Dieu veut me fortifier? Si j'y mens, vas-tu me fortifier? Est-ce que ça va fonctionner qu'il me fortifie pour que je retourne en vie? Que je sois encore capable? Ben non, ou bien, peut-être qu'il y a un autre plan pour moi. Oui, mais ça, tu ne sauras pas, hein? C'est comme non, moi. Non, c'est ça, mais ouais. Ça veut dire qu'on peut se reconnaître faible, demander qu'il nous fortifie, mais peut-être qu'il ne fera pas. Il fait toujours. OK, il fait toujours. Mais pas dans... Avec l'exemple que tu me donnes, si tu t'attends à ça, tu vas te dire, ah, il ne m'a pas fortifié. Si tu penses ça, il ne va pas te fortifier, parce que c'est pas dans ce sens-là. Tu veux, toi, le fortifier, parce que... Tu crois encore, en tout cas, tu penses que tu crois encore à la baguette magique. Il va me fortifier, là, je vais devenir fort, il va faire de quoi? Ça ne marche pas comme ça. Comment il fortifie, là? Comment on vient de voir qu'il fortifie? Par les Écritures. Donc, si tu veux être fortifié, il faut que la vérité vienne dans ta vie et change ce qui te rend faible. Parce qu'est-ce qui nous rend faible? C'est le mensonge. C'est la fausseté qui nous rend faible. Mais là, c'est une faiblesse spirituelle. Oui. Mais là, toi, tu parles d'une faiblesse physique. Ah, ben là, il n'a pas promis ça. Fait que là, tu peux l'amener si tu veux, là, tu peux crever. Excuse-moi de dire ça comme ça. Là. Tu pourrais dire, Seigneur, fortifie-moi physiquement, si tu voulais dire. Et là, il n'a pas promis ça dans le Nouveau Testament. Là, il parle de fortifier spirituellement. Fait que là, Seigneur, fortifie-moi, peu importe ce que tu as dans ma vie, que je continue à travailler ou pas travailler, que je vais te servir dans n'importe quel des deux domaines. Si tu permets que je retourne travailler, parce que ma santé le permet, je vais être heureuse de même. Si tu permets que je ne travaille plus, je vais être heureuse de même, je vais continuer à te servir de cette façon-là aussi. Et là, je suis sûr qu'il va te fortifier. Okay? Là, tu peux être garanti qu'il va te fortifier. Qu'il va t'aider à le servir, peu importe où ce que tu vas être. Mais si tu dis, Seigneur, fortifie-moi physiquement pour que je puisse aller travailler, si tu veux, tu ne peux pas savoir si c'est ça que tu veux à cause que tu es en bonne santé ou pas en bonne santé. Parce que tu pourrais devenir en bonne santé, puis il ne veut peut-être pas que tu ailles travailler, que tu fasses autre chose à la place. Fait qu'il ne faut pas demander un signe physique pour faire un travail spirituel. C'est pas un équivalent dans le Nouveau Testament. Donc, lui, il promet, dans l'Ancien Testament, c'était physique. Là, okay? Là, on est dans l'âge. Là. Là, on parle pour nous, parce que là, tu m'as parlé de toi, pour nous. Pour nous, c'est, Seigneur, fortifie-moi et afin que je puisse te servir. Que je sois ici ou ailleurs. Que je sois en santé ou malade. Que je sois à Victoriaville ou à Mont-Tremblant. Que je sois marié ou pas marié. Que je sois... Mais je veux te servir. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. C'est ça la priorité. La priorité, c'est pas de travailler à une telle place ou à une autre place. Mais si toi, tu dis, je peux m'arrêter parce qu'on travaille pour quoi? Pourquoi on travaille? Dieu veut qu'on travaille pour quoi faire? Pour gagner notre vie. Pour manger. Si toi, tu dis, je peux arrêter de travailler, je l'ai accumulé à travers mes fonds de pension, je l'ai accumulé, je peux rester comme ça puis pas travailler. Je peux faire autre chose maintenant. Comme moi, je pourrais dire, je prends ma retraite à 60 ans, je l'ai assez accumulé, je vais servir Dieu d'une autre façon. À travers le loisir, à travers les vacances avec mes frères, à travers d'autres choses. Mais je vais continuer à servir. Je vais juste changer l'approche. Puis même, j'ai 80, il m'a dit, Seigneur, aide-moi à te servir dans mon lit. Lucie va prendre soin de moi, un petit vieux. Puis... non, mais je disais déjà demain, quoi. Quelqu'un va prendre soin de moi, quelqu'un va me prendre soin de moi à l'hôpital. Puis, mais il faut que je te serve là, à l'hôpital. Tu sais pas. Paul ne se posait jamais la question de ce qu'il devait faire. Non. Oui, il ne se posait pas la question de ce qu'il devait faire. Puis il ne se posait pas la question non plus où le faire. Il allait à une place, ça ne marchait pas, il allait à une autre place, ça ne marchait pas, il allait à une autre place, ça ne marchait pas. Ah, ça marche. La question, tu as toujours la même. Prêcher l'Évangile. Peu importe ce qu'il allait, c'était prêcher l'Évangile. Donc, on ne se pose pas de questions. C'est prêcher l'Évangile pour lui. C'est son métier. Son appel de Dieu. Prêcher l'Évangile aux païens. Non, pour lui, il se posait. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Mais non, il ne se posait pas la question. C'était prêcher l'Évangile. Il savait c'était quoi. Nous, on sait c'est quoi. On sert Dieu, on bâtit l'Église. Notre œuvre à nous, c'est bâtir l'Église. Il n'y a pas d'autre chose pour le Nouveau Testament, c'est ça. On bâtit l'Église. Et donc, à travers ça, ça peut être veuf, marié, célibataire, adolescent, on peut être vieux, jeune, riche, pauvre. Notre rôle dans l'Église, c'est de bâtir l'Église, avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne se pose pas de questions. Pourquoi se poser tant de questions? On n'y aurait pas de réponse. J'aimerais bien ça. Ça le marquait sur un mur. François reste à Mont-Tremblant, François va t'en à Victoriaville, François déménage en Abitibi. Ça sent fun. Putain, mais c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui essayent que ça marche de même, là, qui vont dire, Seigneur, si tu veux, je me lève très vite. Fais telle affaire, arrive. Ouais. J'ai déjà fait ça aussi. On vient fourrer. Ça ne marche jamais. Puis là, on est rendu à Victoriaville, on dit, oh my, je me suis fait une erreur, c'est pas ça que Seigneur voulait, je pense. Bon, ça ne marche pas comme ça. Donc, il dit, je vais te fortifier par des hommes qui t'enseignent les Écritures. Je vais te fortifier par mon Esprit Saint qui est en toi. Nous, pour nous autres, l'Esprit Saint, on ne se pose pas de questions. Il est là, puis il reste là. Il ne s'en va pas, il ne diminue pas, il n'augmente pas. Il est là. C'est une personne. Il est là pour me fortifier, pour accomplir l'œuvre qu'il m'a demandé. Pas pour faire ce que je veux faire. Pour me fortifier, pour faire l'œuvre qu'il m'a demandé. Et l'œuvre qu'il m'a demandé, c'est de bâtir l'Église. On lui demande ou pas? Il va le faire. Ou on doit le demander. Il va le faire, lui. Tu vois pas ça dans la Bible. On dit, fortifie-moi. Qu'est-ce qu'on t'entend de dire? Par les Écritures, fortifie-moi. C'est ça qu'il ça, il va faire, ça. Mais là, il me prendra pas, puis il me met à quatre pattes, puis il dit, tu as force à lire ta Bible. Ben non, je vais m'exposer à la Bible. Je vais la lire moi-même, je vais l'écouter, je vais l'enchanter. Je vais aller à l'église le dimanche, je vais parler avec des frères, des sœurs. C'est comme ça que je vais me fortifier. Je vais lire un livre chrétien, je vais me fortifier. Lui, et là, lui, il fait la promesse, non pas de me forcer à lire la Bible, mais moi, en lisant la Bible, ben, il me fortifie, il utilise les vérités pour me fortifier. Il renouvelle mon intelligence. Ça veut dire la même chose dans un autre temps. OK? Troisième maintenant, versets 6 à 9. En leur demandant de regarder vers l'avenir, ce qui nous fortifie aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui s'en vient demain. Aimez-vous ça, vous en? Il y a des gens qui payent des milliards pour savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Il y en a qui vivent une grosse industrie là-dessus. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a des petites cartes, des lignes de main, des horoscopes, des boîtes de cristal, là, tout ce que vous voulez. Ils font de l'argent parce qu'ils disent aux gens, je sais moi ce qui va arriver demain. Et les gens pensent être encouragés par quelque chose de positif. C'est négatif. Mais ils n'en disent pas beaucoup de négatif parce que les gens ne reviennent pas. Fait qu'ils disent surtout du positif. Et si Dieu va leur dire, je veux que vous regardiez vers l'avenir ce que je vais faire. Et automatiquement, ça va vous fortifier. OK? Lisons au verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu leur dit, hey, il dit, je vais ébranler, je vais écraser, si je peux dire même, je vais utiliser les nations et les nations vont vous donner de l'argent. Et si vous verriez Esdras, quand ils ont écrit la lettre alors au roi, pour que le roi les arrête de bâtir le temple, il est arrivé une lettre, la lettre faisait le contraire. Le roi a dit, j'ai lu la lettre que l'autre roi a écrite et je veux que vous leur aidiez même. Tout l'argent qu'ils ont besoin, je veux que vous leur donniez. Puis tous les animaux qui ont besoin de faire les sacrifices, je veux que vous leur donniez. Les nations ont emmené leurs trésors dans le temple pour faire fonctionner. Dieu leur dit à l'avance, je veux ouvrir les trésors des nations pour vous aider à bâtir le temple. Ça s'est fait direct là, dans ce moment-là. Et je crois que c'est Dieu, il leur dit, regardez vers l'avenir, qu'est-ce que je vais faire pour vous autres? Et on pourrait l'envoyer plus loin, parce que toutes les prophéties sont souvent en double sens, comme on dit, mais toutes les nations maintenant du monde entier sont venues dans le temple. Je crois qu'il est tenté de prophétiser en partie ici, à la venue de l'Église, en grande partie. Parce que ça a été bien plus loin que ça. Bien plus loin jusque là. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je redonnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mais regardez ce qu'il avait dit au verset 3, je pense. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Maison que Salomon avait bâtie. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Parce que ce qu'ils ont rebâti était moins beau que la première. Mais il dit au verset 9, cette dernière maison sera plus grande que la première. Fait qu'il sait pas ce qu'il... Il parle pas juste du bâtisse qu'il est en train de faire. Il parle d'une autre maison. La même maison qu'Ézéchiel parle. Il parle du temple qui est l'église. Il dit, la maison que je vais bâtir... Si vous voulez savoir comment Dieu la voit, allez lire l'Apocalypse chapitre 21. Il parle de la nouvelle Jérusalem, de cette Jérusalem pleine d'or, pleine d'émeraudes, pleine d'argent, plein de ci, plein de ça. Il dit, c'est une ville belle, belle, belle, belle. Il dit, je vais faire une nouvelle Jérusalem au-delà de tout ce que vous pensez, bien plus belle que celle que Salomon avait bâtie. Donc, il leur dit, regardez vers l'avenir, hein, ce que je vais faire. Je vais ouvrir les nations du monde, puis ils vont emmener leurs trésors dans le monde. Puis aujourd'hui, c'est la grande majorité de l'Église aujourd'hui, du peuple de Dieu, c'est des païens. Il y a beaucoup plus de païens dans l'Église qu'être juif maintenant. Il y a des juifs qui sont chrétiens, mais tous nous autres, on est des païens. C'est-à-dire qu'il dit que toutes les nations du monde ont emmené leurs argent dans mon temple pour le bâtir. C'est nous autres qui amènent l'argent maintenant, les païens. On amène l'argent dans le temple, puis c'est avec l'argent des païens qu'on bâtit le temple de Dieu. Il dit, vous allez voir, il dit, un jour, je vais faire ça. C'est ça qui se passe. Puis cette maison-là, mais j'ai fini de la bâtir, elle va être plus belle que celle de Salomon. Puis celle de Salomon, je vous garantis, elle était belle. Il n'y avait pas d'égal. Au temps de Salomon, il y avait tellement de richesses qu'on laissait tomber l'argent à terre. On gardait juste l'or. C'est marqué dans la Bible, ça, c'est vous qui l'invente. Là. Et l'argent, c'est ça, il n'y a personne qui ramassait ça. Il y avait tellement d'or qu'on se contentait de l'or. Dans le temps de l'apogée de Salomon. Mais il dit, dans la prochaine temple qu'on va bâtir, c'est les nations qui vont amener nos argent, les trésors vont venir. Et si aujourd'hui on regarderait comment les nations donnent d'argent pour que l'Église se bâtisse, le temple de Dieu se bâtisse, c'est des milliards par année à travers le monde. Quand tu dis, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, si tu parles de la paix, la paix spirituelle. Ouais, la paix spirituelle, oui. La paix de la salut et la paix éternelle qui va être aussi la paix de la fin des temps. Il faut toujours englober tout ça, il faut voir l'ensemble. Dis, ben, je vais donner la paix à travers cette maison-là, c'est nous autres, à travers nous autres maintenant qui amène la paix, parce que c'est nous qui proclament l'évangile de paix. Et ça va être aussi la paix dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça va être la paix partout. Là. Donc ils disent, ils parlent à la façon de l'Ancien Testament de la nouvelle alliance qui va s'accomplir. Parce qu'il faut bien se dire que ça a été écrit des centaines et des centaines d'années avant Jésus vienne. Okay? Donc, il leur parle d'un temps proche, futur, mais proche, pas si loin que ça, qui va avoir une grande bénédiction de la part de Dieu. Donc, le principe reste là, même si on ne comprendra pas tous les détails de ce qu'il est en train de dire, le principe reste le même. C'est que regarder vers le futur, c'est encourageant. Quand je regarde des fois ici, l'Église aujourd'hui, je dis, pas si brillant que ça, l'Église aujourd'hui. Mais si je regarde l'avenir, hein, qu'est-ce que l'Église va être dans l'avenir, ça m'encourage à continuer de bâtir l'Église aujourd'hui. Même si je regarde, c'est pas la fabuleuse, c'est le problème, c'est difficile. Je regarde ma propre vie à moi. Là, si je prends l'Église puis je l'amène à moi, puis je fais partie de l'Église, je suis une pierre dans l'Église, mon ami, tu courage cette affaire-là. Il dit, François, un jour je vais te ressusciter, tu vas être parfait. Et là, si je mets toutes des parfaits, une brique parfaite d'un côté de l'autre, ça fait un temple parfait. Okay, donc, et des fois, on peut se regarder en tant que chrétien pour dire, se décourager, pour dire, mon ami, ça fait dur notre affaire. Mais on peut dire, je vais m'encourager parce qu'un jour, je vais être parfait, comme Jésus. Tu sais, regarder vers l'avenir, encourage. Écouter la parole de Dieu qui nous est annoncée, ça l'encourage. Se fortifier par la puissance de l'Esprit, ça l'encourage. Et de regarder vers l'avenir, ça l'encourage. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Je vais vous fortifier, mais pas de la manière que vous l'entendez. Ne croyez pas à la baguette magique. J'ai fait ça quand j'étais jeune chrétien. Et que j'ai fait ça. Vous l'avez fait, tout aussi, je suis convaincu. On se couche le soir, Seigneur, fortifie-moi. Non, mais maintenant, on se lève. On espère qu'on va être bien fortifié. On est encore aussi pire qu'on était. Seigneur, fortifie-moi afin que je ne commette plus ce péché-là. Non, mais maintenant, on le commet encore. Mais ça ne marche pas l'affaire. Ça ne marche pas. Parce qu'on ne comprend pas. On croit en la baguette magique. Je vais être fortifié en autant que la vérité va rentrer. Parce que c'est le mensonge qui renferme. Donc, si je veux être fortifié, il faut que je sorte le mensonge pour le remplacer par une vérité. La vérité va me fortifier. Donc, il ne faut pas s'attendre. Si je prie, fortifie-moi, il faut que je me plante les yeux dans la parole de Dieu et je dis, Seigneur, quelle vérité pourrait donc me fortifier? Quel principe de la parole pourrait donc me fortifier dans ce moment de ma vie où je suis faible, dans ce domaine-là? Donc, si je me sens insécure, qu'est-ce qui pourrait, comme principe biblique, me sécuriser? Okay, donc ça, si je tentais de faire une telle affaire, un tel péché, qu'est-ce qui pourrait m'arriver comme vérité pour m'aider à ne pas faire ce péché-là? Pas me battre contre le péché, mais avoir une victoire sur le péché par un renouvellement d'intelligence. Des fois, vous faites probablement comme moi, on se bat contre le péché avec la chair, par la volonté de l'homme. Et ça, c'est épuisant et c'est fatigant. C'est épuisant et fatigant. puis on ne réussit pas souvent. Parce qu'on n'est pas capable, par la chair, on peut pas. Au contraire, la chair avait fait le péché, elle ne veut pas se battre contre ça, elle avait fait le péché. Mais si je renouvelle mon intelligence, le péché va être moins une tentation dans ce domaine-là. Je peux avoir une victoire plus, je dirais, facile, si je peux employer le mot facile. Et je vais pouvoir plus glorifier Dieu dans ce domaine-là. Donc, plus je vais connaître les Écritures, plus je vais être fort. Ça va donner un sens. Parce que quand j'accumule la connaissance de la vérité, le Saint-Esprit qui est là en moi, parce que moi je l'ai, on l'a tout le temps, il va utiliser ces vérités-là pour me fortifier. Lui, il fait toujours sa job. C'est pas que lui, là, il a fait-tu, il a fait-tu pas, il a fait... Non, il fait toujours sa job. Moi, ma job, c'est d'accumuler la vérité. Accumuler la vérité, accumuler la vérité, accumuler la vérité. Il y a différentes façons qu'on peut le faire, mais on accumule. Et quand j'en ai besoin, le Saint-Esprit va venir et va utiliser la vérité pour m'aider. Ça ne veut pas dire qu'à cause que je connais la vérité, que je vais avoir toujours la victoire. Mais au moins, je l'ai, la vérité, pour me battre. Mais si je ne l'ai pas, le Saint-Esprit ne pourrait rien faire. Le Saint-Esprit ne peut pas m'aider s'il n'y a pas la vérité pour m'aider. Donc, son épée, à lui, il dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, si je n'ai pas la parole de Dieu, je ne peux pas rien faire. Mais la vérité vient, et l'Esprit peut l'utiliser pour me convaincre à ce moment-là. Et quand il va essayer de me convaincre, ça ne veut pas dire que je vais obéir. Je peux désobéir. OK? Parce que la chair va avoir un combat encore. Mais je vais avoir la victoire finale et complète à la résurrection des morts. Faut pas, je pense qu'un jour je vais arriver là, d'être assez fort que je ne tomberai plus jamais. Si tu crois ça, tu vas te décourager encore une fois, parce que c'est pas une vérité, ça. C'est pas une vérité, ça. Okay? Donc, si elle peut nous aider à accumuler.